Il est midi. Flash 80 Radio. Flash 80 Radio, c'est aussi une adresse internet. www.flash80.com. What price must I pay to make you see friends?

nos yeux qui se croisent, tout outil, tout idam. Une main prend ma main. Et quand il me raccompagne chez moi, baiser sur mes joues finit sur ma bouche. De désir flou, je tremble comme une mouche, comme une mouche, comme une mouche. Je les aime tous les deux d'un amour de légende, sans victime. Avant-hier, on a vu un truffaut noir et blanc, c'était Jules et Jim. Ils s'aimaient tous les trois comme eux et moi. Ça paraît difficile de vivre ça. Je voudrais bien pourtant qu'on vive à trois, tous les trois, tous les trois. On vit de lui, de toi, et j'aime ça. Premier baiser volé, passionné. Premier frisson d'amour, mon amour. Lequel des deux m'aimait, nous le sait. Je les oublierai jamais, yo le sait. Yo le sait, yo le sait. Premier baiser volé, passionné. Got my faith, got my love, and I 80 Radio. Flash 80 Radio. Flash 80 Radio. Flash 80 Radio. L'essentiel des souvenirs. Flash 80 Radio. So excited when I come home a little late at night.

Flash 80 Radio, la radio de votre été. Bon été sur Flash 80 Radio. You put the boom boom into my heart. You send my soul sky high when shines out of my way. You make the sunshine brighter than Doris Day. Turn the bright spark into a flame. Thank you. sur flash80.com, venez jouer entre membres et testez vos connaissances en musique des années 80 avec le quiz Flash 80. Le quiz Flash 80 pour faire fonctionner vos neurones comme dans le temps. Flash80.com. Flash80.com. Et le soleil, c'est chaud. C'est Flash 80 Radio. Flash 80 Radio.

you're singing proud. Flash80.com. my best friend won't know me, that there may be a job in the city. I knew never told me. He would dream about another scheme, about another son and call a cream, about a man about a vendor's dream. He would swear by his mouth almighty. Thank you. Quelle chance! Eh ben pas nous! Flash 80 Radio, c'est la radio! La radio! De vos vacances! Bon été! Baby, I've been Get down on it. 14h. Flash 80 Radio. Écoutez ce titre. C'est le 45 tour de la semaine sur Flash 80 Radio. Flash 80 Radio. Thank you.

tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. We are Take Baby, get on my Cadillac. Oh no, I wanna dance my cha-cha. Flash 80 Radio. Bon été.